L'écrevisse. Incertitude. Oh, mes délices. Vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses. À reculons. À reculons.